Le restaurant du riz vinaigré de Pyongyang est inauguré le 6 courant. À la cérémonie d'ouverture ont pris part les officiers intéressés, le personnel du restaurant ainsi que d'autres citadins de Pyongyang. Le restaurant est un nouveau centre de ravitaillement empreint de l'amour du Parti du Travail de Corée qui s'efforce de réunir une vie plus aisée et civilisée à la population.